Chapitre 16e. Lorsqu'en venant de Paris, on descend à la station de Chelles, on trouve, en sortant de la gare, une route qui est coupée par la voie ferrée. Celle de ces deux routes qui va vers la gauche conduit à Chelles, celle qui va vers la droite au pont de Gournay. Ce fut celle-là que prit le colonel, et il n'eut pas à marcher longtemps pour arriver au bord de la Marne. Bien que la distance de Gournay à Paris ne soit pas beaucoup plus grande que celle de Champigny ou de la Varenne, la Marne, à Gournay, n'est pas du tout la Marne de la Varenne, de Champigny, de Joinville ou de Créteil. Les canotiers, même ceux qui font les voyages de découverte, s'aventurent rarement jusque-là, car rien ne les attire dans ces parages lointains où rien ne rappelle les plaisirs de l'île Fanac. Pas de bal à Gournay, pas de café-concert, pas de chevaux de bois, pas de galerie devant laquelle on puisse montrer ses bottes et marcher les jambes écartées. Un vieux château, entouré de vastes jardins ombragés, une petite église, basse, moussue, telle que n'en voudrait pas le plus pauvre village de la Bretagne ou de la Savoie, 20 ou 30 maisons de paysans, c'est là tout Gournay. À la tête du pont, entre le canal et la Marne, on trouve bien, il est vrai, quelques guinguettes et quelques restaurants, mais sans les splendeurs et le tapage de la tête noire de Julien ou de Jambon. Lorsqu'on remonte l'une ou l'autre rive de la Marne, à partir de ce pont, on est en pleine campagne. Plus de maisons aux volets verts, plus de jardiniers fleuris, plus de berceaux, plus de rocailles, plus de jets d'eau faisant danser des boules dorées. Mais les champs et la culture, du blé, des prairies, des bois et de la terre labourée. L'odeur de la friture est remplacée par celle de l'herbe et des feuilles. La musique du cor par le souffle du vent dans les branches, la chanson de la canotière par celle de la bergeronnette. C'est là le charme de ce pays. À quelques lieues seulement de Paris, il est, pour le plaisir des yeux, déjà loin de Paris. Par suite d'un bienheureux hasard, les ingénieurs qui d'ordinaire transforment si désagréablement les pays dans lesquels ils travaillent sont venus ajouter quelque chose aux agréments naturels de celui-là. Pour acheter la pente de la Marne, pour éviter ses détours et ses bancs de sable, on lui a creusé un canal latéral dans les prairies voisines, de sorte que la vieille rivière, maintenant abandonnée par la navigation, est revenue à cet état primitif qui devait être le sien avant l'invention des bateaux à vapeur et de la simple batellerie, alors que ses eaux coulaient librement sans avoir rien à faire qu'arroser ses bords. Dans son lit, que ne sillonnent plus les péniches et les trains de bois, les graviers et les vases se sont accumulés où le courant les a poussés, et çà et là ils ont formé de petits îlots cachés sous l'eau pendant la saison des pluies, émergés pendant les beaux jours et couverts alors de la verdure des joncs et des roseaux. Sur ces bords, les chemins qu'autrefois les chevaux de halage piétinaient sont devenus des sillons gazonnés où pousse en toute liberté une végétation foisonnante de plantes herbacées et de buissons qui se mêlent et qui luttent entre eux, les plus forts étouffant les plus faibles, pour prendre peu à peu toute la place au soleil. Lorsqu'on parle des environs de Paris, il faut toujours, bien entendu, faire une distinction entre les jours de semaine et les jours de fête, car tel village, calme et mort le jeudi, change du tout au tout le dimanche. Si le colonel était venu à Gournay un jour de semaine, il eût trouvé les berges de la rivière déserte et sur l'eau il n'eût vu de loin en loin qu'un vieux bachot amarré à une perche flexible, et dans ce bachot, un ou deux hommes occupés à tirer du sable. Mais la journée du dimanche avait peuplé cette solitude. Sur la rivière, on voyait çà et là deux ou trois canots montés par des promeneurs pacifiques, qui ramaient tranquillement, et sur les berges, aux endroits propices, des pêcheurs à la ligne plus pacifiques encore, qui, immobiles comme des bons hommes de plâtre, ne quittaient pas des yeux leurs flotteurs. Le colonel s'approchait d'eux, puis après s'être assuré qu'aucun n'était son oncle, il continuait son chemin, marchant doucement, regardant le paysage qui l'environnait. Depuis qu'il avait débarqué à Calais, c'était la première fois qu'il se trouvait en pleine campagne, libre de voir à son aise ce qui lui plaisait. Car jusque-là, la rapidité du train express qui l'avait amené à Paris avait brouillé les objets devant ses yeux. Et de la France, il n'avait encore vu que ce qu'on aperçoit en chemin de fer, des arbres et des maisons qui passent comme des boulets de canon, et tout au loin, des horizons aux lignes confuses. Maintenant, chaque chose qui l'intéressait l'arrêtait. ces grands arbres à feuillage d'un vert jaune, il les reconnaissait pour les avoir vus dans leur patrie. C'étaient des peupliers de Virginie. Au contraire, ces têtards aux troncs creux n'avaient point la même tournure que les saules d'Amérique. Par leur feuillage d'un gris cendré, par leur chaton jaune, c'étaient des saules. Par la forme de leur tronc noueux, s'évasant dans le haut, c'étaient des arbres pour lui nouveaux. Ces herbes, il les connaissait pour les avoir rencontrées dans les forêts de son pays natal. Celles-là, au contraire, il en ignorait le nom. Nouveaux aussi étaient les aspects des champs cultivés, nouvelle était la physionomie générale du pays. C'était la France, et mieux encore, pour lui, fils de Parisien, à l'île de France. Sans doute, cela manquait de beauté noble et puissante, de grandes scènes de la nature telles qu'il avait pu en rencontrer souvent dans ses voyages à travers l'autre continent. Et cependant, cela lui paraissait plein d'une douceur charmante qui lui parlait au cœur et l'émouvait. Comme ses bois étaient frais et ses gazons verts, comme ses perspectives semblaient ménagées pour la joie de l'esprit, comme il y avait de la grâce dans les contours sinueux de la rivière et dans la teinte grise dont le printemps avait revêtu les lointains, comme tout ce paysage était calme, tranquille, heureux, fait de nuances délicates et de beauté légère qui donnaient des ailes à la pensée. Il était fier du pays de ses pères. Il y avait déjà assez longtemps qu'il marchait, suivant le cours de l'eau, lorsqu'il aperçut une sorte de construction en bois édifiée sur un bateau plat. Elle se trouvait placée en face d'une île, sur un petit bras de la rivière, qu'elle barrait entièrement, soit avec sa propre masse, soit avec un bateau d'eau et des bannes. Ces bannes, et surtout une grande roue, dont les palettes verdies laissaient pendre dans la rivière de longues traînées d'herbe, disaient que cette construction était un moulin. Mais ce moulin avait-il jamais tourné pour moudre quelque chose sous ses meules? Ou bien n'était-ce pas plutôt une fabrique paysagesque, placée là pour produire un effet harmonieux? Le certain, c'est que cet effet était tout à fait réussi, et qu'un peintre bien inspiré n'eût pas trouvé mieux. Au-dessus du toit en planches, recouvert de mousse, de grands peupliers penchaient leurs troncs lisses et leurs grosses têtes rondes, se joignant d'un bord à l'autre, enchevêtraient leurs branches feuillues. Des aunes, des saules et des osiers garnissaient les berges de l'île, et de la rive on voyait cette masse de verdure se refléter dans l'eau au milieu des larges plaques vertes des nénuphars. En regardant autour de lui, le colonel aperçut au pied d'un tremble, dont les racines avaient été affouillées par le courant, un pêcheur aussi mobile que le tronc de l'arbre lui-même. C'était son oncle. Il s'approcha de lui. Mais l'oncle Antoine ne bougea pas et ne leva pas les yeux. Seule la main qui tenait à la ligne décrivait un mouvement horizontal, allant lentement de droite à gauche, pour suivre le bouchon qu'entraînait le courant. Ce fut seulement au moment où il allait relever sa ligne qu'Antoine, ayant détaché ses yeux de ce bouchon, aperçut son neveu près de lui. Mais, de sa main qui était libre, il lui fit signe de marcher légèrement et de parler à voix basse. La matinée avait été mauvaise, maintenant le poisson commençait à mordre. Ne voulant pas déranger son oncle dans un pareil moment, le colonel demanda où était Thérèse, qu'il ne voyait pas. N'était-elle pas venue? Et à ce mot, il se dit en lui-même qu'il aurait peut-être bien fait de ne pas venir non plus. Mais il se trompait. Thérèse était venue le matin comme il avait été décidé la veille. Elle était là, à deux pas, dans le Auzeray, occupée à cueillir des herbes et des fleurs, ce qui l'amusait beaucoup plus que la pêche. Seule, toute seule, Michel n'a pas pu venir. Il s'est trouvé mal à l'aise ce matin. C'est la première fois qu'il lui arrive de manquer une partie de pêche. Pour la pêche comme pour la sculpture, c'est mon élève, et maintenant l'élève vaut bien le maître. Et Deniso? Ah, Deniso est là. Seulement Deniso ne pêche pas, le pauvre garçon. Avec son bras, cela ne lui serait pas facile. Et puis, il aime mieux s'asseoir à une table et boire une bouteille en chantant des chansons. C'est sa manière de se promener à la campagne. Il ne quitte pas le moulin flottant. Et puisque nous parlons de lui, je veux profiter de l'occasion pour vous recommander de ne pas le pousser à boire. Soyez tranquille, répondit le colonel, souriant à cette recommandation. Cela pourrait vous amuser. Et il est si facile à entraîner. Avec cela, il a la tête faible. C'est là son seul défaut. Tous les hommes aiment à sortir d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Quand Deniso a bu quelques verres de vin, il refait sa vie en même temps que celle des autres et il arrange le monde à son gré. Tous heureux. Mais pour le moment, le colonel n'avait pas souci de Deniso. il quitta son oncle et se dirigea vers Lauzeray. Tout en marchant, une idée préoccupait son esprit. Pourquoi Michel n'était-il pas venu? Que signifiait ce malaise subit que rien ne faisait pressentir la veille? Il eût aimé avoir le jeune ouvrier auprès de Thérèse, dans la liberté de la campagne. Comme il cherchait un passage pour pénétrer dans Lauzeray, il aperçut, accroché à une branche, une robe grise et un petit chapeau de feutre. C'était la robe qu'il avait vue la veille sur les épaules de Thérèse. Elle se trouvait à l'entrée d'une coulée verte qui devait conduire à l'endroit où Thérèse était occupée à cueillir des fleurs. Il releva les branches enchevêtrées qui obstruaient le passage, et à quelques pas devant lui, il aperçut la jeune fille qui lui tournait le dos. Elle était assise sur le gazon, sous le couvert d'un saule, et autour d'elle étaient éparpillés des brassées d'herbes, de fleurs et de roseaux, tandis que dans une petite anse, une grosse gerbe de ces mêmes fleurs, arrangée en bouquet, trempait dans l'eau. Elle était vêtue d'un corsage blanc à manches qui lui montait jusqu'au cou et d'un jupon court qui laissait voir ses pieds chaussés de souliers. Un Parisien eût peut-être trouvé que cette jeune fille, qui accrochait sa robe à un arbre pour ne pas la mouiller, manquait de tenue et de distinction. Mais le colonel arrivait d'un autre monde, et ainsi court vêtue, assise au milieu de ses fleurs, sous l'ombre changeante de son sol, elle parut charmante. Cette rencontre rachetait celle de la veille. Au bruit qu'il fit en écartant les branches, elle tourna la tête de son côté. « Ah, mon cousin !» s'écria-t-elle, et son visage s'éclaira d'un sourire.